faire face aux gens pour éviter leur crasse. Et sans passer mes strass, sinon direct à la casse. Casse, elle dérobe des glaces, intéresse à ma propre carcasse. Vous en regardez, ma pauvre tignasse, ici inconnu, autant détaché que perdu. Ça prend le dialogue pour se juger à la longue. Place à la pavane, dit ça à la classe de Paname. Camouflez son âme, mieux qu'elle ne se fane. Pourtant, les villes ne grisent pas dans tous les pays. On est certaines plus fleuries que l'Amérique du Sud réunie. Grignote mon appétit, mes envies qui provoquent, qui m'a produit ses m'ennuis. Et wow,